yeux dans les jets du murmure m'incite à te connaître, précieux Adonai. Ta présence me suffit, ton silence me séduit. Tu as changé ma vie, précieux Adonai. Ce chemin si étroit, tu me montres la voie. Tu me fis entendre ta voix, précieux Adonai. Tu me guides sur ce chemin, tu me tiens par la main, tu assures mes lendemains, précieux à suivre, éternel. Oui, David a dit, montre-moi la voie que je dois suivre. Je m'y engagerai jusqu'au bout. Oui, Seigneur, je vais m'engager jusqu'à ma destinée, éternel. Parce que tu es mon précieux Adonai. Tu es ma pierre précieuse. Je t'aime, éternel. Je t'aime plus que tout. Yeah.